Vous écoutez CKRL au 89.1 et nous allons terminer l'émission par un détour dans le sud de la France où une équipe d'archéologues a découvert ce qui semble être une taverne romaine. On en parle avec Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Karine. Alors, il y a eu une équipe d'archéologues qui ont travaillé dans le sud de la France qui ont récemment mis au jour des vestiges d'une très vieille habitation. On dit d'elle d'être à peu près vieille de 2100 ans, donc avant Jésus-Christ. Ça fait quand même plusieurs années, puis elle semblerait correspondre à un grand lieu de rassemblement. Les archéologues proposent que cette installation-là soit une taverne, et en fait, ça deviendrait une des plus vieilles à ce jour, là, qui a été découverte à l'ouest de la Méditerranée. Et à quel endroit a été trouvé ce vestige archéologique? En fait, la maison qu'on soupçonne d'être un genre d'ancien restaurant se trouve à un carrefour de la cité portuaire antique de Latara, qui correspond aujourd'hui à la ville moderne de Latte. Donc, il est situé à 5 km au sud de Montpellier, dans le Languedoc-Roussillon, en France. Et la géographie est quelque peu différente aujourd'hui. Lorsqu'on s'y promène, la grande étendue d'eau du Méjean était à l'époque une terre ferme. Donc, l'endroit est quand même assez différent de l'époque. Et il y a 2100 ans, est-ce que tu peux nous dépeindre le contexte historique à cette époque-là? Oui, en fait, on se retrouve au tout début du Haut Empire romain qui va lancer, en fait, la personne qui a lancé cet empire-là, c'est Auguste, le nouvel empire romain. Auguste, pour ceux qui ne le reconnaissent peut-être pas, c'est le fils adoptif de Jules César. Et là, à l'époque, on a des provinces d'Occident, donc en France, qui vont devenir petit à petit romanisées. Et la paix et la prospérité va entraîner un accroissement des activités commerciales. Donc, les ports sont toujours très actifs et le port de Latara a été le fruit d'un tel développement économique. Cette petite bourgade-là était quand même déjà peuplée des gens natifs de l'endroit, donc les Gaulois. Oui. Et avec l'arrivée des Romains qui ont conquis la Gaule transalpine, la culture va changer inévitablement. Et les Romains vont amener avec eux des nouvelles idées, ils vont changer l'économie locale et ils vont changer aussi les modes de vie. Et assez rapidement, on va voir d'importantes constructions qui vont s'élaborer autour de la ville de Latara et on va voir apparaître autant des monuments qui sont publics et des monuments qui sont religieux. L'archéologie a découvert principalement des bases, des fûts et des chapiteaux de colonnes retrouvés un peu partout à travers la ville, donc à l'intérieur comme autour de la zone portuaire. Et les chercheurs sont d'accord pour dire qu'il y a certains de ces éléments-là architecturaux qui ont quand même été le produit d'une période antérieure à celle d'Auguste, soit une période qui est dominée par une population étrusque. Mais peu importe, les archéologues sont d'accord aussi pour dire qu'il y a une très grande qualité des monuments qu'on retrouve à Latara. Sous Auguste, le port de Latara va subir de profondes transformations. On va avoir la terrasse portuaire qui va se voir agrandir vers la mer. Et on va aussi retrouver un nouveau quai qui est muni d'une rampe de halage qui va être construit. Ce qui porte à croire que le port était marqué d'une assez grande activité, là, vu qu'on avait des constructions pour améliorer les activités autour. Il y a plusieurs hangars aussi qui sont construits dans les environs. Puis on en a retrouvé même avec des grosses jarres poissées qu'on appelle les doliums, qui vont servir à l'époque de genre d'entreposage ou de citerne pour le vin, l'huile et les céréales aussi. On va retrouver même au bord du quai un bâtiment qui est de forme carrée, qui abrite un gros foyer qui est entouré de quatre colonnes. Et les archéologues l'ont interprété comme étant un phare pour aider à naviguer les bateaux et les voiliers sur la mer. Donc, le port était quand même assez bien développé. Et là, vu qu'il s'agit d'un port, mais veut pas, il y a du va-et-vient énorme pour tous les gens qui s'y promènent, qui arrivent et qui repartent, donc des gens de passage. Et c'était assez nécessaire d'avoir un endroit pour accueillir tous ces visiteurs-là. Et l'archéologue Benjamin Lelay, qui a travaillé sur le site à proprement parler, pose une question. Si on peut pas faire pousser notre propre nourriture parce qu'on est de passage, où va-t-on manger? Alors, selon lui, les Romains ont été assez perspicace et ils ont eu de choix que de créer un endroit pour aller s'alimenter et ce fut la dite taverne. Mais plus précisément, qu'est-ce qu'on a trouvé lors des fouilles archéologiques pour pour estimer que la nouvelle structure était une taverne? En fait, au tout début des fouilles archéologiques, on a pensé être tombé sur une boulangerie. Parce qu'en fait, il y avait trois fours qui étaient à peu près de 3 à 4 pieds de large, qui sont normalement couramment utilisés pour faire cuire des pains plats. Et mais on a aussi retrouvé trois moulins à farine de petite taille, là, donc d'intérieur. Mais disons qu'un tel appareillage pour une simple maisonnée, c'était assez excessif. Mm-hmm. Donc, c'était un peu dans une qualité industrielle qu'on faisait cuire ce pain-là. Et dans une autre salle qui est adjacente, pardon, à une cour intérieure, une cour arrière, on a découvert une série de bancs qui sont alignés sur un mur. Et au centre de cette même salle-là, on trouve un foyer de charbon de bois qui va occuper à peu près le milieu de la salle. Alors, avec ces deux caractéristiques-là, ça suggère une zone commune où on allait manger assis confortablement plutôt que d'un comptoir de mets pour emporter, disons. Mais moi, quelque chose m'intrigue. Est-ce qu'on sait ce qu'on servait à manger dans cette taverne-là? Mais les fouilles sont un peu trop récentes, si on peut dire. Les études n'ont pas été encore tout à fait entreprises. Elles sont encore sommaires, mais on a trouvé des ossements de poisson, qui n'est pas très surprenant. Mm-hmm. C'est une nourriture qu'on trouvait surtout dans un port en abondance, qui donc jonchait partout à travers la cuisine. Mais on a aussi trouvé des os de bovins et de moutons qui ont été trouvés à l'intérieur de la cour. On va avoir de la vaisselle aussi, donc des tessons d'écueils sur des bols à boire, qui sont assez raffinés pour l'époque, qui provenaient d'Italie, qui étaient aussi dispersés, cassés un peu partout. Puis on a aussi beaucoup de débris de grands plats et de bols. Donc on peut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui était là et qu'ils étaient là pour se nourrir. Mais rappelons que les Gaulois étaient reconnus pour leur amour du vin. Donc, ils consommaient, soi-disant, quand même beaucoup de vin. Et en plus, la céramique qu'on a retrouvée démontre qu'il y avait une certaine attention particulière à importer des récipients liquides et du bon vin italien aussi. Bien sûr. Et là, il y a un élément qui n'a pas été retrouvé dans ce bâtiment-là pour l'instant. Il s'agit de la monnaie. On se dit, dans une taverne, on avait sûrement de la monnaie pour pouvoir échanger contre la nourriture. Oui, voilà. Et là, tout d'abord, cette absence-là pourrait donc suggérer qu'on est à l'intérieur d'une salle privée, d'une utilisation pour des familles, des grandes familles peut-être. Mais il faut quand même souligner que les gens n'ont pas tendance à perdre leur argent non plus. Hein. C'est encore vrai aujourd'hui, on fait toujours attention. Oui. Et là, faut aussi dire que c'est pas parce qu'il y avait pas d'argent non plus qui circulait à l'époque. OK, mais est-ce qu'il y avait donc une économie monétaire à l'époque? Oui, vraiment. À l'époque, la Gaule avait déjà accédé il y a plusieurs années auparavant à l'économie monétaire. Donc, c'est à l'utilisation de la monnaie pour des transactions qui sont quotidiennes, comme pour échanger contre la nourriture. Et il y a diverses fouilles à travers la France qui attestent d'une véritable abondance du numéraire dans la plupart des habitations. Donc, c'est pas surprenant. On n'avait pas le choix non plus, faut dire, avec l'accentuation et la spécialisation du travail qui augmente le volume et la fréquence des transactions, et par conséquent, la nécessité de disposer d'un instrument de paiement plus commode que des procédures traditionnelles d'échange. C'est une augmentation de travail qui a été vue, là, d'ailleurs, à la Tara avec l'arrivée des Romains. Parce qu'avant leur apparition, le port avait pas démontré une grande évidence de grands ateliers qui demandaient beaucoup de travail. Donc, cette découverte-là, elle nous propose un nouveau regard sur la civilisation romaine. Ah, c'est vrai. En fait, on dévoile l'ampleur des activités commerciales à la Tara et on aperçoit aussi une réalité qui est moins probante, que l'on voit pas souvent dans les livres d'histoire, disons. C'est la présence des tavernes et le cas présent qui s'avère être assez tôt là, dans l'histoire aussi. Faut dire que le mot taverne provient d'un mot latin, donc taberna, et qui était des lieux assez connus à l'époque dans l'Empire romain à Rome comme étant des petits locaux qui étaient destinés à la vente de produits au détail et qui on retrouvait généralement dans les aires de grands marchés de la Rome antique. Avec l'expansion de l'Empire romain, le nombre de ces tabernées ont augmenté considérablement et on en retrouvait notamment dans les villes portuaires, donc comme à la Tara. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette promenade historique dans le sud de la France. Merci.